Radiomatique. Il y a 6 milliards d'années, tu m'as raconté ton histoire. Bon, j'exagère un peu, c'est vrai, mais genre, on fumait dans les bars. Entre deux glaçons dans le rosé, t'as dit, ça se passe dans le Loir-et-Cher, c'est un dimanche de fin d'été, t'es en cuisine avec ta mère. En écrasant les échalotes, tu tremblais un petit peu des mains. Ta mère a dit, j'en ai pris trop ou pas assez, est-ce que t'as faim? Tu t'es planqué dans la vaisselle, mais ça, c'est pas le bon torchon, tiens, bah, rapproche-moi la poubelle à la place de tourner en rond. Pendant qu'elle grattait les coquilles en s'excusant, c'est du Leclerc, hein. Tu t'es demandé si toutes les filles s'embrouillent dans les torchons de leur mère. En ouvrant la brique de vin blanc, les ciseaux, c'est près des cuillères. T'as trouvé ça un peu gênant qu'elle ait fait des moules marinières. Dis à ton père, il m'écoute pas qu'on passe à table dans 3 minutes. T'aurais tué pour une vodka, mais il y avait que du cidre brut. T'avais le cœur en poil à frire. J'ai pas tellement prévu de dessert. T'allais vraiment devoir leur dire devant un plat de moules marinières. Tu t'es assise en soulevant la chaise qui portait tes boyaux. C'est pas parce qu'on va tuer quelqu'un qu'on doit lui rayer son lino. T'as entendu un peu sa voix qui dit « Bon courage mon poussin ». T'as pris des frites avec les doigts, t'as dit « J'ai rencontré quelqu'un ». Tu leur as dit « Bon bah voilà, tu t'es raclé la gorge un peu. T'avais de la mayo dans la voix et puis du citron dans les yeux. On entendait voler les crabes dans la marmite au poignet bleu. T'as dit « Son nom c'est Emmanuel et à la fin, c'est deux LE ». T'as regardé droit dans les yeux, pleine de courage, ton croton de pain. T'as dit, c'est une fille, je suis, il est bon ce pain. Ta mère a dit, oui, ton père, oui, enfin, c'est celui du Leclerc, on a raté la boulangerie à cause de leurs nouveaux horaires, alors super. Est-ce que je suis toujours votre fille? Ta mère a dit, oui, ton père, bon, je vais vider toutes ces coquilles. Il a bien soulevé sa chaise et marché vers le vide ordure. Et ta mère a dit, mal à l'aise, qui va ouvrir les confitures? Tu leur as dit, bon bah voilà, tu t'es raclé la gorge un peu, t'avais de la mayo dans la voix et puis du citron dans les yeux. On entendait voler les crabes dans la marmite au poignet bleu. T'as dit, elle s'appelle Emmanuel et à la fin c'est deux LE. Tu m'as dit, t'étais prête à tout, même aux larmes des crocodiles. T'avais pensé même au dégoût, lui qui crie, elle qui dégobille. T'avais une réponse pour tout, le mariage, la progéniture, mais pas à ta mère qui demande, ah bah ouais, alors du coup, qu'est-ce qui fait ouvrir les confitures? Et c'est pas terminé, il y a un addendum. Pardon, un quoi? Ah, un addendum, c'est du latin. Addendum, c'est pour dire qu'il y a du rab à la chanson. Oui, qu'il y a du... Voilà. C'est très pratique. T'es à la cantine, tu dis « Bonjour madame, pourrais-je avoir un addendum de frites, s'il vous plaît ?» Te resserre des frites en latin. Si. Tu fais frita et fritum, je sais pas, j'ai pas fait latin, mais je... Non, ouais, je sais pas. Addendum. Il y a pas 6 milliards d'années, tu m'as dit avec Emmanuel, bah on va avoir un bébé. Et cette phrase, elle était trop belle. Depuis le temps, depuis l'argent et les insultes plein la figure. J'ai commandé un seul rosé, et puis pour toi, des confitures. Depuis trop de milliards d'années règne ceux qui planquent sous leur cravate la peur de vous voir vous aimer entre les couches et les quatre pattes. Que disparaissent ces rapaces qui légifèrent sur vos fesses, qui volent le droit d'être mère, et à la fin, avec un S. Amorcer la transmission 514 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste française Claire Fégr. De son album intitulé Le temps des sardines et enregistré en spectacle, nous écoutions la pièce Les confitures. Allons-y maintenant avec Xymox.

Audiomatic, cette séquence se terminait sur la musique de la formation Voz Propia, de qui nous entendions la pièce Djevame, tirée du deuxième album intitulé El Sueño, paru originalement en format cassette uniquement en 1990 et réédité pour la première fois en CD en 2003. Avant Voz Propia, c'était la formation italienne Hidden Place et sa composition Fucci Fatui, apparaissant sur l'album Novecento, paru en 2012. Et on amorçait la séquence avec le projet Xymox, qui est l'alter ego plus synth-pop du groupe Clan of Xymox, de l'album Twist of Shadows de Xymox, paru en 1989. Nous entendions la pièce Craving. Et c'est maintenant au tour du groupe Swerve Driver de se laisser entendre à Audiomatic. Audiomatic, nous venons d'écouter la formation péruvienne Moldes et sa pièce Once Once, tirée du deuxième album Aguas de Marte, paru en 2014. Avant Moldes, c'était le groupe Blonde Redhead et sa composition Bipolar qu'on retrouve sur l'album intitulé Fake Can Be Just As Good qui est sorti en 1997. Et on amorçait la séquence sur la musique du groupe Swerve Driver de qui nous entendions la pièce Setting Sun de l'album I Wasn't Born to Lose You, publié en 2015. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo américain Insect Arc. There was a little place in a pretty room where we mostly did not go. And next to the place in a field of trees were stones stacked on stones for 10 centuries. Faces worse than grief itself. Stones and the mystical flare. And the old god drew her into him like a flame. I've never seen you so beautiful as that again. C'était à Audiomatique, bien sûr, le groupe australien Nick Cave and the Bad Seeds qui nous offrait la pièce Conversion, extraite de son plus récent album Wild God, sorti le 30 août 2024. Tout juste avant, nous avions droit au compositeur arménien Tigran Amasyan. De son plus récent album, The Bird of a Thousand Voices, qui est inspiré d'un conte issu de la tradition orale arménienne et qui a été lancé le 30 août 2024, nous avions droit à la pièce The Eternal Birds Sings and the Garden Blooms Again. Et pour amorcer ce segment musical, il s'agissait de Insect Arc, un duo américain basé à Berlin. Nous vous avons présenté la chanson Psychological Jackal, extraite de son quatrième album Raw Blood Singing, paru le 7 juin 2024. En conclusion de cette transmission 514 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre à nouveau une œuvre de l'artiste française Claire Fay-Grr, cette fois avec la pièce La Petite Chanson, toujours extraite de son album enregistré en spectacle Le Temps des Sardines. La transmission 515 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain dès 17h. En direct du studio de la radio C'est Fou 89.1 FM et sera ensuite placé dans nos archives numériques auxquelles vous pouvez accéder en consultant notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Claire Fay-Grr et la pièce La Petite Chanson. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Chaque couplet est un effort. Chaque couplet risque sa peau. Chaque couplet est un couteau, tout plein des miettes de vos corps. Il a fait, il m'a fait, vous dites. Il m'a fait quand j'étais petite. Chaque couplet est une entaille dans le souvenir de vos entrailles. Chaque couplet vous coûte plus cher qu'une maison de bord de mer. Et pourtant, à chaque chanson revient ce refrain à la con. Elle fait ça pour le fric, pour le buzz, pour la gloire, pour la célébrité. Pourquoi 30 ans plus tard, elle fait ça simplement parce que c'est à la mode. Et puis la délation, je n'aime pas ces méthodes. Mais c'est vrai qu'on les reconnaît, les chanteuses de tous ces couplets. Elles roulent tout en Ferrari offerte par la gendarmerie. Pour une main courante déposée, vous gagnez des jeux à gratter. Mais pour un procès aux assises, c'est une villa à Venise. Quand je pense qu'avec mes impôts, dans toutes les brigades de police, on offre des fleurs en cadeau à celles qui viennent dire l'injustice. Elle fait ça pour le fric, pour le buzz, pour la gloire, pour la célébrité, pourquoi 30 ans plus tard? Elle fait ça simplement parce que c'est à la mode. Et puis la délation, je n'aime pas ces méthodes. Il a fait, il m'a fait, vous dites. Il m'a fait quand j'étais petite. Chaque couplet coûte un pays, un mentos. Dans vos cœurs, Pepsi. Chaque couplet pour les prochaines trouve la force de brandir les miettes de ces souvenirs qu'on avait mises en quarantaine. Chaque couplet vous coûte plus cher qu'un dîner dans un ministère. Et pourtant, à chaque chanson revient ce refrain à la con. Elle fait ça pour le fric, pour le buzz, pour la gloire, pour la célébrité. Pourquoi 30 ans plus tard, elle fait ça simplement parce que c'est à la mode. Et puis la délation, je n'aime pas ces méthodes. Que celle d'ici et d'ailleurs, qui cachent au fond de leur peur le secret que peut-être un jour elles voudront chanter à leur tour, qui tremblent qu'un jour les trahissent un sursaut au bord de leur cuisse, qui gardent le couteau à pain bien planqué dans les intestins, que celles d'ici et d'ailleurs, qui vivent un couteau dans le cœur, n'entendent jamais comme chanson revenir ce refrain à la con. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça pour vos filles, pour sortir du brouillard, pour voir le monde changer, et pour elle c'est trop tard. Elle fait ça simplement parce que les héroïnes ont des couteaux à pain planqués dans la poitrine. Et ceux qui sans rougir blâment celles qui disent, ceux qui de leur salon, leurs châteaux, leurs églises brandissent qu'elles font ça pour briser des carrières. Vous commencez un peu à briser les ovaires, vos regards entendus et vos sourires en coin et votre bouche en cœur et vos rires de crétins, vos regards méprisants, vos murmures amusés, emportez-les au ciel et vos droits imbéciles d'importuner mon cul, de trousser mes frangines, emportez-les au ciel et vos sourires mielleux, étouffez-vous avec. Bon appétit, messieurs.